J'en ai marre de cette vie du péché qui m'enfonce. Et j'ai du regret dans mon cœur de m'être éloigné de toi. Je accepte être puni, je reviens, me laisse pas, me quitte pas, m'abandonne pas, je reviens, papa dans ta toute ma vie, je la mène sous l'autel, l'autel de grâce. Yeah. Quand mes péchés abondent, quand mes fautes augmentent, Seigneur, sur avant, je reviens, me quitte pas, je accepte d'être châtié, je reviens, me laisse pas, me quitte pas, m'abandonne pas. Ne me quitte pas. Tu as versé ton sang sur la croix pour que mes péchés me soient purifiés. Tu as bien voulu porter mes charges pour que ma vie soit plus blanche que la mer. Le sang et l'eau sont sortis de tes côtes, des mers royales. Par des hommes, tu as inversé les rôles, tu as pris ma place. J'abandonne tout, à toi je reviens. Je reviens, papa, dans ta maison, et pitié, accueille-moi. Je reviens, m'abandonne pas.